FrenchPod.com. Très heureux de vous rencontrer à nouveau, Madame Lafont. De même. Vous avez fait bon voyage ? Excellent. Nous allons pouvoir reprendre la conversation où nous l'avions laissée. Depuis notre dernière rencontre, j'ai réalisé un dossier reprenant les principaux points de notre collaboration. Vous permettez que nous y jetions un coup d'œil ? Bien sûr. Alors je vois ici que, selon vos prédictions, notre association permettrait à ma société de diminuer ses coûts d'importation de manière très significative. En effet, notre fournisseur a les coûts de production les plus compétitifs du marché. De plus, nous serions en mesure de réduire de moitié les frais de transport pour ce produit grâce au volume que nous exporterions. Très bien. Est-ce que vous seriez prêt à renégocier votre marge si nous passions une commande ferme ? Ah, vous savez, les temps sont durs et notre marge très faible sur ce produit. Nous ne pouvons pas vous faire de meilleures offres pour le moment. Mais il est évident que nous pourrions reconsidérer les conditions de vente à l'avenir. Bien. Vous savez, Monsieur Delmotte, je dois vous avouer que j'ai rencontré votre principal concurrent ce matin. Et en toute franchise, vous n'êtes pas les moins chers.